بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Donc nous voici, inshallah, on a terminé la dernière fois. Non, la dernière fois, on a plutôt vu, on a parlé de Ridda, le sens de l'apostasie, et quels sont les sabab, les causes, les paroles et les actes qui peuvent faire sortir de l'islam une personne. Et on a vu que le fuqaha dans leur livre, ils ont cité beaucoup de paroles et beaucoup d'actes qui font sortir la parole de l'islam, de la personne de l'islam, donc qui deviennent murtad, apostat. Et on a vu que dans ces sabab-là, les ulama, ils ont divisé ces sabab-là en plusieurs catégories. Et certaines catégories dans lesquelles rentre le shirk et l'akbar en premier lieu, on a vu que ces ulama-là n'ont jamais conditionné la science, ou n'ont jamais conditionné quoi que ce soit pour appliquer le hukm de l'apostasie d'Aridda sur celui qui l'a commis ou qui l'a dit. Contrairement à d'autres choses, comme le fait de rejeter certaines choses qui sont connues par nécessité de la religion de l'islam, comme l'obligation des cinq salats, où là ils ont conditionné que la personne elle puisse être informé du hukm d'Allah, de l'ordre d'Allah Jalla wa'ala. Et donc ils ont accepté deux conditions de personnes, celui qui vient juste de rentrer en islam et celui qui habite loin de la science de cette catégorie-là. Donc on voit que dans le shirk al-akbar, celui qui commet le shirk al-akbar, il est mushrik. Si c'est quelqu'un dont on avait jugé de l'islam auparavant, il devient murtad. À tel point que les ulama, il y a une mas'ala dans le fiqh, où les ulama comme l'imam Ahmed ou l'imam Shafi'i, ils jugent de l'apostasie de celui qui, par exemple, va prononcer du kafir asli, quelqu'un qui rentre en islam, qui est kafir asli, il rentre un juif, un chrétien, un athée ou quoi, il rentre en islam par al-kalima, kalima al-tawhid, la ilaha illallah, Muhammad, Rasulullah. On va juger de son islam. Juste après ça, la personne elle va dire non, mais j'ai pas voulu rentrer en islam par ces paroles-là. Soit par moquerie, soit par pour se protéger de l'épée des muslimines lorsqu'ils rentrent sur une terre pour y instaurer l'islam ou quoi. Bref, il dit clairement de lui-même, il dit qu'il n'a pas voulu, il n'a pas cherché par ces mots-là à rentrer en islam. L'imam Ahmed et l'imam Shafi'i, ils disent on juge de son apostasie. Déjà à tel point, ils ont pris en considération le fait que celui qui prononce ces mots-là, il rentre en islam. Même si, après qu'il prétende être entré ou les avoir prononcés pour se moquer ou pour que n'importe quelle raison, et que derrière, il fait un acte qui le fait sortir de l'islam, ils vont le juger qu'il est apostat et ils vont appliquer sur lui les jugements de l'apostat. Donc ça, c'est, et on a vu qu'il y a beaucoup de paroles et beaucoup d'actes qui font sortir la personne de l'islam. Et donc, parmi les premières choses qui rentrent dans ces annulants, systématiquement, les ulama, ils citent le shirk akbar. Pourquoi? Parce que le shirk akbar, c'est pour cette raison-là qu'Allah Jalla wa'ala, il a envoyé ses messagers, pour prévenir les gens du shirk al-akbar, et pour ordonner les gens d'adorer Allah Jalla wa'ala seul, et de leur dire adorez Allah et écartez-vous du tarot. Et c'est pour cette raison, pour cette shahada, le sens de cette shahada, mutabaqatan, donc l'adoration d'Allah Jalla wa'ala seul et le rejet du shirk, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé cette création, qu'il a envoyé ses messagers, révélé ses livres, et c'est la religion de tous les messagers, et que comme il est dit, que il n'y a aucun ijma' qui est plus fort que ce ijma'-là. C'est-à-dire les ijma' sur le fait que la religion des messagers, c'est l'iman billah ou le kufr bittaghut. On a vu que ce qui rentre en premier lieu dans la mécroyance au tarot, c'est le shirk akbar. Le fait de délaisser, de rejeter le shirk al-akbar. C'est pour ça que les ulama citent ça en première annulant de l'islam. Ensuite, on a vu qu'il cite différentes choses comme le fait d'insulter Allah Ta'ala wa Taqaddas et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le fait de se moquer de la religion, etc. Il cite plusieurs choses. Il cite, donc on a vu qu'il cite des paroles, il cite des actes. Le fait de se prosterner pour une tombe, une statue, considère ça comme un annulant de l'islam, sans chercher à comprendre la aqida du bonhomme. Pourquoi il s'est prosterné? Est-ce qu'il croit que ce bonhomme-là, dans la tombe, il peut lui donner le bien ou le mal? Ou alors est-ce qu'il l'a pris simplement comme intercesseur, comme intermédiaire, comme l'ont fait les mouchriquines de Quraysh, l'akhiri? Ça, les ulama, ils n'en tiennent pas compte. Parce que l'iman, qawl wa amal, comme on l'a dit, l'iman, qawl wa amal. De la même manière que la foi a comme pilier la parole et l'acte, le kufr peut se réaliser par la parole et par l'acte. Ça, c'est la croyance de al-sunnah wal-jama'a, comme on l'a dit dans, comme on l'a vu dans le wasitiyah. Donc ça, on trouve, comme on l'a dit, dans tout, à peu près tous les livres de fiqh des quatre mazahib, que ce soit des livres développés ou pas, des encyclopédies, on le trouve, ce chapitre-là, donc bab ou kitab al-murtad ou hukm al-murtad, on le trouve dans tous les livres de fiqh. Et le cheikh Mohammed, rahimahullah ta'ala, donc sahib al-kitab tawhid, il a voulu à son époque, il a montré à ses détracteurs, il a cité ces paroles-là que les ulama des quatre mazahib ont citées dans leur livre pour montrer et pour répondre à ceux qui ont prétendu que le cheikh il a emmené un cinquième mazhab. Comme ça a été la prétention de certains de ses détracteurs, le cheikh Mohammed, rahimahullah, il a emmené un cinquième mazhab, un nouveau mazhab, et il a ramené des paroles que personne n'a dites avant lui. Or, il l'a montré en citant des livres que eux prennent en référence. On avait cité, par exemple, comme Al-Iqna' dans le Fiqh al-Hanbali. On avait lu une parole de l'Iqna' dans le Fiqh al-Hanbali. Ce livre qui était pris en référence à son époque par les juges, par les muftis, comme référence donc pour juger entre les gens, pour émettre des fatwas et tout. On sait que dans le Madhab al-Hanbali, c'était Al-Iqna' ou Al-Muntaha. Notre livre s'appelle Al-Muntaha. El Shir, il a ramené des paroles de ces livres-là pour montrer, regardez, dans le Madhab que vous suivez, les ulama, ils ont cité ces annulants-là. Et parmi ces annulants-là, on en retrouve beaucoup chez vous, qui prétendaient que le shirk, c'est un khariji, takfiri, qui kafar les muslimines, qui est venu avec un cinquième madhab, et l'akhiri. Parmi les accusations que le shirk, il a entendues. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc, le chapitre suivant. Aussi, oui, na'am. À la fin du chapitre, le shir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, wa sharh hadhi at-tarjama ma ba'daha min al-abwab. Wa sharh hadhi at-tarjama ma ba'daha min al-abwab. Et l'explication de ce titre-là, c'est-à-dire l'explication, ce qui veut dire ici, l'explication de la ilaha illallah, c'est tout, du tawhid, c'est tous les chapitres qui vont suivre, c'est-à-dire tous les chapitres qui vont suivre, sont une explication de la ilaha illallah du tawhid. Soit en citant quelque chose qui va s'y opposer à cette shahada, comme on l'a déjà vu, parmi les sortes de shirk, comme c'est le cas ici dans le chapitre suivant, même si c'est une sorte de shirk ashar, on sait que le shirk ashar, il va s'opposer à le fait que le tawhid il soit complet, que la personne elle réalise la foi complète. Obligatoire. Soit le shir, on va voir qu'il cite des choses qui contredisent cette shahada dans sa base, comme le fait de sacrifier pour un autre qu'Allah, comme le fait d'invoquer, d'implorer un autre qu'Allah, comme le fait de faire des vœux pour autre qu'Allah, etc. Différentes sortes de shirk, ou le fait d'obéir à une autre législation que celle d'Allah Jalla wa'ala, comme on l'a vu dans ce chapitre-là, ou le fait de prendre comme juge, pour juger entre les gens, pour régler les litiges des gens, une autre législation que celle d'Allah Jalla wa'ala, tout ça c'est des sortes de shirk akbar, que le shirk cite, encore une fois, pour expliquer la ilaha illallah parce qu'il a contredit. Comme les ulama disent, en citant l'inverse d'une chose, on peut expliquer une chose en citant ce qui la contredit, ou ce qui l'annule. À partir du moment, comme on l'a vu en disant que le fait d'invoquer un autre qu'Allah, c'est le shirk akbar, ça veut dire quoi? Que le tawhid, c'est quoi? C'est le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans aucun associé. Le fait d'obéir à une autre législation que celle d'Allah jalla wa'ala, ça montre quoi? Que l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala seul, c'est ça le tawhid. Donc le fait d'expliquer une chose parce qu'il la contredit. parce qu'il l'annule. Donc ça, c'est ce qu'il nous dit à la fin de ce chapitre-là, et on va voir que effectivement, c'est ce que le shir il a fait. Donc le shir il dit dans le chapitre suivant, donc dans le chapitre numéro 7 du livre, Babun min ash-shirki lubsu al-halqati wal-khayti wa nahwihima li raf'i al-bala'i aw daf'i. Donc parmi les sortes du shirk, le fait de porter un anneau ou al-khayt, ici c'est un genre de collier ou un genre de que ce soit un bracelet ou un collier, une lanière ou autre, puisqu'on va voir que ce qui est voulu ici c'est pas l'objet en lui-même qui est porté, mais c'est l'attachement et la croyance que la personne qui le porte a en cet objet. C'est ça ici ce qui nous intéresse. Pour repousser ou pour enlever un mal, c'est-à-dire pour repousser un mal, pas repousser un mal, mais enlever un mal qui a touché une personne ou pour repousser un mal qui ne l'a pas encore touché, mais pour s'en protéger. Et ici, wallahu alam, ce qui est voulu, quand le shir dit babun min ash-shirki, ici le shir vise dans ce chapitre là shirk al-asghar, parce que la base dans ces choses là c'est le shirk asghar, même si comme on le verra inshallah ta'ala tout shirk asghar peut se transformer en akbar selon la croyance de la personne. Et ici il s'agit de shirk asghar dans la rububiyya, dans la seigneurie d'Allah Jalla wa'ala, et on va voir que c'est le fait de croire et de s'accrocher en un sebeb, en une cause, pour jouir de la protection d'Allah Jalla wa'ala, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il repousse un mal, prendre un sebeb qui n'est pas permis, qui n'est pas légiféré. Et ça c'est un genre de shirk dans la seigneurie d'Allah Jalla wa'ala, mais un shirk à la base qui est asrar, un petit shirk. Mis à part ceux qui ont la croyance, comme c'est répandu aujourd'hui chez certains, qui vont croire carrément que cette chose-là à laquelle ils se sont attachés, que ça soit un talisman, que ça soit un œil, une fatma, ça c'est pas l'important, c'est ce qui est utilisé comme objet. Celui qui a la croyance que cet objet-là, de par lui-même, il est capable de créer, de repousser quelque chose, ça c'est du shirk akbar, taban. Parce que ça c'est un pouvoir, évidemment, n'importe quel musulman, il sait que celui qui apporte le bien et qui repousse le mal, c'est qui? C'est Allah Azza wa Jal, wahda. Mais eux, c'était pas la croyance des mouchriquins, ou même des muslimines qui ont commis cet acte-là à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le voir dans le hadith de Imran ibn Hussein, et dans le hadith qu'a mentionné Ibn Abi Hatim de Huzaifa, dans ce chapitre-là, que certains musulmans avaient gardé ces habitudes-là de Jahiliya et qu'ils se revêtissaient, je pense que ça se dit, de ces talismans-là ou de ces colliers-là, de ces bracelets-là, et qu'ils avaient la croyance que c'était des sebeb, qui allaient leur profiter pour qu'Allah Jalla wa'ala repousse le mal ou les protège d'un mal qui allait les toucher. Donc ils ont pris ça comme sebeb. C'est ce qui en fait un shirk asghar. Aujourd'hui, le shirk, comme le shir, rahmatullah alayhi, dans sa risala, al-qawa'id al-arba'a, il dit que le shirk des mushrikins de notre époque, il s'est accentué puisqu'il croit que ce soit concernant les morts dans leur tombe ou que ce soit ces objets-là qu'on prend, il croit carrément que ces objets-là ont le pouvoir de manière, comme on dit, de par lui-même, de repousser un mal ou de retirer un mal qui a touché une personne. Ça, évidemment, c'est du shirk akbar, mais c'est la base du chapitre, c'est l'asrar, parce que c'était la croyance des mouchriquines de l'époque. Donc ici, quand il dit un shirk, wallahu alam, ce que le shirk il a visé, et par rapport au dalil qu'il a cité dans ce chapitre-là, ce qui est visé, c'est un shirk al-asghar fi rububiyya, le petit shirk dans la seigneurie d'Allah, subhanahu wa ta'ala, wallahu alam. Ensuite, il dit, donc ici, il y a un commentaire de al-shirk ibn Qasim, alayhi rahmatullah. Ici, il dit min tab'idiyya. Min tab'idiyya, bima'na, ça veut dire quoi? Ici, babun min shirk, c'est-à-dire fait partie du shirk. C'est une sorte du shirk. Ce n'est pas tout le shirk, c'est parmi les sortes du shirk. Parmi. Ici, on peut traduire min par parmi. Il y a l'obs. L'obs bid-dam. Bid-dam l'am, l'obs, pas l'ebs. L'ebs, c'est akhar. L'ebs, c'est l'khalt. L'obs, c'est le fait de porter. L'abs, c'est l'khalt, le fait de mélanger. L'abs bid-dam al-lam. Yani min al-shirk al-asghar. On peut rajouter fir-rububiyya al-munafi li kamal al-tawhid al-wajib. On peut rajouter l'abs al-halqa. Donc ici, le shir, il mentionne bien, lui aussi, il voit que ce qui est voulu dans ce chapitre-là, c'est le shirk al-asghar, le petit shirk, qui va contredire le tawhid ou le tawhid obligatoire de l'insan. C'est-à-dire, ça va contredire, on peut ici exprimer soit par le tawhid, soit par la foi obligatoire ou la foi complète obligatoire. L'iman, al-kamal al-iman al-wajib. Ou ici, il a dit, kamal al-tawhid al-wajib. Il n'a pas mis le wajib, mais le sens c'est al-wajib. Ça veut dire que celui qui commet cette chose-là, il n'a pas annulé asl al-tawhid, donc asl al-iman, asl al-din, il ne devient pas mécréant à l'unanimité des ulama, le shirk al-asghar, ça ne fait pas sortir de l'islam, mais il commet un péché, un grand péché, qui est plus grand que le kaba'ir, comme on le sait, et que ça va diminuer son tawhid, et il va commettre, ça représente un péché, mahsiya. Et encore une fois, on a vu qu'il y avait un khilaf entre les ulama. Est-ce que le shirk al-asghar, il est pardonné ou non? Ou est-ce qu'il est dans le même qism que le shirk al-akbar? Et que Allah Jalla wa Ala, il le châtie, on avait déjà vu ça plusieurs fois. Et donc parmi cette sorte de petit shirk dans la Rububiya, on a le fait de porter ces choses-là. Al-khayt ou al-halqa. Al-khayt, un bracelet, souvent, ou al-halqa, al-halqa ou al-khayt, bracelet ou anneau, autour de la main, comme on va le voir, ou ça peut être autour du cou aussi. Encore une fois, ce qui est voulu ici, ce n'est pas ces objets-là en particulier. On sait qu'aujourd'hui, on a les mains de Fatma, on a l'œil là, on a un tas de trucs que les gens utilisent pour les mêmes raisons, ou pour voir même pire, comme on l'a dit avant. Et justement, il donne une définition de l'halqa. Il dit « Kullu shay istadara min soufrin au ghayrihi wal khayt wa nahwihima kal wad'a wal tamima wal mismar wal kharaza wa nahwi dhalik. » Donc là, ici, il donne des exemples de halqa wal khayt. L'halqa, c'est un objet rond et souvent qui est fait de cuivre. Ça, il le mettait autour de la main. Comme on va le voir dans le hadith d'Imran ibn Hussein. Le khayt, c'est plutôt sous forme de collier avec ils utilisaient soit des pierres, soit ils l'utilisaient comme talisman, et ils utilisaient soit des pierres, le mismar, Allah alam, c'est un clou. Ils mettaient un objet. Comme aujourd'hui, on trouve la main de Fatma, l'œil, etc. Donc, encore une fois, ce qui est recherché, c'est la croyance et l'attachement de la personne à cet objet-là, pas l'objet en lui-même. Eux, ils utilisaient des coquillages ou des choses comme ça, ce genre de choses, pour les mêmes raisons. Non, il dit soit pour repousser un mal qui a touché la personne. C'est-à-dire, la personne a déjà été touchée par ce mal et il faut le retirer. Ça, « izalatuhu ba'da nuzulihi ». Le fait d'empêcher d'être touché par le mal avant qu'il touche. Les deux choses. Alors ici, il y a une petite ambiguïté dans ce que le shir dit. Puisque là, la définition qui donne le shir, c'est la définition du shirk al-akbar fil-rububiyya. Là, c'est la définition du shirk al-akbar. Le fait de demander à un autre qu'Allah ce que seul Allah Jalla wa'ala est capable de faire. Ça, c'est une définition du shirk al-akbar fil-rububiyya, pas l'asghar. On va voir ce que le shir veut dire. Il dit « وَاتِّخَذُوا تِلْكَ الْأَشْيَا وَنَحْوِهَا مِنْ أَعْمَلِ الْجَهِلِيَةِ » Le fait de prendre ces choses-là pour, c'est-à-dire ce but-là, dans ce but-là, ça fait partie des actes de l'Jahiliya, donc de la période pré-islamique, donc des mushrikines de Quraysh. C'est quelque chose qui était habituel chez eux. Il explique وكانوا يعلقونها على أولادهم ودوابهم وذلك ينافي التوحيد بالكلية وهذا ينافي التوحيد بالكلية. Ça montre encore une fois que là la définition qu'il a donnée, c'est une définition du shirk al-akbar, puisqu'il dit et ceci ou ces objets là donc que ce soit les bracelets ou les pendentifs, les talismans, Ils les faisaient porter à leurs enfants ou à leurs bêtes. Il dit, et ceci contredit le tawhid bil kulliya, c'est-à-dire ça contredit le tawhid d'une manière totale. Donc là, on voit bien que dans cette définition-là, c'est la définition du shirk al-akbar. Là, c'est carrément celui qui croit, qui a la croyance que ces objets-là ont le pouvoir par eux-mêmes de repousser un mal ou d'emmener un bien, ou etc. Parce que là, c'est le fait d'établir et de croire en un autre créateur qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le fait de repousser un mal, d'enlever un mal ou de protéger d'un mal, tout ça, ça rentre dans le khalq, ça rentre dans la création, ça rentre dans le qadr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un instant. Taïb reprend. Donc là, on voit que le shir, bon, c'est un peu ça, c'est si on veut, c'est parmi les implications du fait de résumer. Le shir, c'est quelqu'un qui a un talent pour résumer les choses, mais on voit que des fois dans le résumé, il y a quelques problèmes, parce que là on voit que c'est un bab clairement qui est à la base dans le shirk al-asghar, comme il l'a dit dès le début. Il dit ya'ani min ash-shirk al-asghar al-munafi li kamal at-tawhid al-wajib. Et là, il nous donne une définition. Il dit « Wa huwa talab min ghayrillahi ta'ala ma liqdiru alayhi Allah ». Ça, c'est la définition du shirk akbar. Taïb. Donc, il continue. Il continue. Attendez juste un instant. Excusez-moi, on reprend. Donc là, il nous a donné la définition du shirk al-akbar et ça se confirme quand il dit وَذَلِكَ يُنَافِ التَّوْحِيدَ بِالْكُلِّيَةِ. Il dit لِأَنَّ الشَّافِئَ الْكَافِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَلَبُ الشِّفَاءُ وَالْبَرَكَةُ بِالْحِلَقِ وَالْخُيُوتِ وَغَيْرِهَا هَدْمٌ لِجَنَبِ التَّوْحِيدِ وَلُبْسُهَا عَلَى قِسْمَيْنِ. Donc là, il nous dit pourquoi? Parce que donc là, c'est là qu'il divise, il revient et il divise en deux catégories. Donc il a, dans sa parole, il a mis la définition du shirk al-akbar, où il a entrecalé sa définition du shirk al-akbar, et après il revient en disant qu'il y a bien deux catégories. Il y a deux catégories. Donc il dit, donc yunafi tawhid bil kulliya ou yunafi kamalahu. Donc ça contredit le tawhid dans sa base ou ça contredit la perfection du tawhid. Que le tawhid soit complet. Parce que celui qui guérit, qui suffit de toute chose, c'est Allah Jalla wa Ala. Le fait de demander la guérison ou la baraka par ces sebeb-là, c'est-à-dire par les anneaux, par les talismans, etc., ça contredit le tawhid. Et là, il revient en classifiant donc ou en divisant ce shirk-là en deux sortes. Il dit walubsu ala qismay. Le fait de porter ces choses-là, ça se divise en deux catégories. Il dit ihtiqad annahu sabab, c'est-à-dire la croyance que ces choses-là sont une cause, un sabab par laquelle ou par lesquelles Allah Jalla wa Ala va protéger d'un mal ou retirer un mal. Donc ça c'est cette croyance-là qui est du shirk asghar, le fait de prendre comme sabab. Et ce qui est connu dans la religion, c'est que le sabab, on ne peut pas prendre de sabab comme ça n'importe comment. Les sabab, dans la religion, ils se divisent en deux sortes. Ce qu'on peut appeler sababun shar'i. Un sabab qui est légiféré dans le sens où Allah Jalla wa Ala, il l'a clairement cité comme étant shifa, ou comme étant un sabab, comme ayant, comme étant une chose dans laquelle Allah Jalla wa Ala, il a mis un effet. Il a mis une cause, il en a fait une cause, il a mis un effet par sa volonté. Comme par exemple le miel. Le miel, Allah Jalla wa Ala, il dit, fi shifa. Il dit qu'il y a une guérison dans le miel. Allah Jalla wa Ala, il l'a créé, il en a fait un sabab, une guérison pour toutes sortes de maladies. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit le Coran, sa propre parole, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a décrit comme étant une guérison contre tout type de maladie. Contre beaucoup de types de maladies, le Coran lui-même. Ça, c'est ce qu'on appelle des sebeb qui sont légiférés, sebeb shar'i. Il y a d'autres sebeb qui ne sont pas shar'i et qu'on connaît par l'expérience, tajriba. Et ça, c'est le cas de tous les médicaments à peu près qu'on connaît aujourd'hui, en dehors du miel, en dehors de quelques certaines choses qui sont citées dans la sunna, comme le habba saouda. Par exemple, la graine noire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cité comme étant un remède contre toute chose à part la vieillesse, où il y a d'autres choses. Mais en dehors de ces choses-là, qui sont ceux-là des sebeb shar'i, tous les autres, tout ce qui est médicament qu'on connaît aujourd'hui dans la médecine, etc., c'est ce qu'on appelle des sebeb tajribi, c'est-à-dire à l'expérience. Les médecins, les laboratoires, ils mettent au point des molécules qui vont avoir, et ils vont les tester, et ils vont découvrir que dans cette chose-là, il y a un sebeb, il y a une cause pour repousser un certain mal, une certaine maladie. Mais ça, ils le savent pas par le Coran ou par la Sunna. Ça, ils le savent par l'expérience. Ils expérimentent des choses. Ils font des recherches, ils expérimentent, en général d'abord sur des souris ou je ne sais quoi, et après, ils l'adaptent à l'homme. Donc ça, c'est les deux types de sebeb qui existent, et c'est les deux types de sebeb qui existent et qui sont permis. On avait vu qu'il y a d'autres sebeb comme dans le chapitre وَمَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيدَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. Celui qui accomplit le tawhid parfait, il rentre au paradis sans jugement et donc sans châtiment. On avait vu dans le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité certains sebab qui sont makruh, qui sont détestables. Et le fait de les délaisser, ça rentre dans l'accomplissement du tawhid complet, parfait. Si on se rappelle, il y avait quoi? Il y avait le fait de demander à quelqu'un de faire une ruqya sur nous-mêmes. Il y avait aussi el-kay, la cautérisation. Où elle avait cité aussi At-Tiyara. Mais At-Tiyara, c'est une sorte de shirk asghar, comme on le verra. Donc le shirk asghar, clairement, ça contredit non seulement le tawhid al-wajib, mais ça contredit, pardon, ça contredit le tawhid al-mustahab, mais même le tawhid wajib. Là, on est en train de parler de makruhat, des choses qui sont blâmables mais pas haram. Le fait de demander une ruqya ou le fait de pratiquer el-kay, la cautérisation, on avait vu que c'est des sebeb qui sont makruh. On a le droit de les faire dans le besoin, mais les délaisser, ça rentre dans le sens de l'accomplissement du tawhid complet, parfait. Ici, on parle de sebeb qui sont légiférés. Soit légiférés, comme on a dit, le miel, habb saouda, le professeur Salim en a parlé, et les sebeb qui sont tajribi. Le sebeb qui est tajribi, qui est connu par l'expérience, par l'expérimentation, ça c'est le cas de la majorité des médicaments qu'on connaît aujourd'hui. Ensuite, il y a les sebeb, comme le shiri dit, il y a les sebeb, des gens qui ont pris des choses comme sebeb, comme cause, pour bénéficier d'un effet, mais à la base, dans des choses qui ne sont pas légiférées, qui ne sont pas permises, ni par la législation, ni par l'expérimentation. C'est des sebeb qui sont interdits, des sebeb qui ne sont pas légiférés. Et le fait de prendre ces choses-là comme sebeb, et d'avoir une croyance dans cette chose-là, que cette chose-là, c'est un sebeb, ça représente une sorte de shirk asghar. Et c'est la première chose qu'il cite. Il dit, i'tiqad annahu sebeb. La croyance que c'est un sebeb, ça, c'est ça le shirk asghar. Il dit, fa shirkun asghar. Ou alors c'est quelque chose qui repousse et qui profite par lui-même. C'est-à-dire quelque chose qui est indépendant, sans la volonté d'Allah Jalla, comme c'est le cas pour le sebeb. Dans le sebeb, on dit qu'il y a un profit en lui-même, dans le sebeb, mais par la volonté d'Allah Jalla. C'est Allah qui veut que par ce sebeb-là, tu guérisses, ou que ce sebeb-là, il soit profitable. Mais là, c'est carrément des gens qui en sont venus à croire que le talisman en lui-même, que l'anneau en lui-même, ou que le collier en lui-même, celui-là, il a carrément un pouvoir comment dire, indépendant de faire du bien ou du mal. Ça, évidemment, c'est du shirk akbar. Il dit, لأنه يعتقد parce que celui-là, il croit qu'il y a un autre, en réalité, un autre, quelqu'un d'autre qui nuit et qui profite, qui crée en réalité un autre créateur et quelqu'un d'autre qui intervient dans la création qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Clairement, et ça, c'est le cas du shirk de beaucoup de gens aujourd'hui. Avant, les gens, ils mettaient le talisman, ils mettaient l'œil, ils mettaient la main de Fatma, ils mettaient la misbaha, là, ils mettaient autour de la voiture, là. Comme on le voit, c'est fréquent. Les gens, ils prennent plus ça comme sebeb. Les gens, ils prennent ça, ils imaginent que ce truc-là, cet objet-là, de par lui-même, il va repousser ou il va emmener un bien. والمصنف قدس الله روحه ابتداها في التفسير التوحيد والشهادة أن لا إله إلا الله بذكر شيء مما يضاد ذلك من أنواع الشرك الأكبر والأصغر فإن الضد لا يعرف إلا بضده كما قيل وبضدها تتبين الأشياء فمن لم يعرف الشرك لم يعرف التوحيد وبالعكس وقدم الأصغر الاعتقادي ترقيا من الأدنى إلى الأعلى. نعم. Donc ici il dit, qu'est-ce qu'il nous dit Sharih? Le Sheikh, il a commencé par expliquer, donc on a dit que tous les chapitres qui suivent le chapitre numéro 6, donc qui était l'explication de la ilaha illallah, tous les chapitres qui suivent sont une explication de la ilaha illallah, mais par de différentes manières. Ici, c'est en citant une sorte de shirk, et il a commencé par citer le shirk asrar dans la croyance. Ici, il évoque la raison que le shirk, il a voulu commencer du plus petit, de la chose la moins grave vers la plus grave. Ça fait une nazar, ça c'est discutable, parce qu'à la base, la logique, elle voudrait que le shirk, il est commencé par le shirk al-akbar, par des sortes de shirk akbar. Et il y en a d'autres qui évoquent la raison. Le shir, il a évoqué ça en premier lieu parce que c'est quelque chose qui était très répandu à son époque et par laquelle même les musulmans sont touchés. Même les musulmans prennent ces choses-là comme sebeb pour repousser un mal. Et donc, au vu de l'ampleur que ça avait pris et de la manière dont ça s'est propagé dans la Ummah, même à son époque, le shir, il a voulu commencer par cette sorte-là. Allahu alam. Il y en a d'autres qui disent que le shir, c'est pas quelqu'un qui portait beaucoup d'importance à l'ordre dans la manière d'écrire son livre. Il a commencé par l'Akbar, il aurait commencé par l'Asrar. Il aurait pu commencer par l'Akbar. El-Muhim, il a cité de nombreuses sortes de shirk. Il a commencé par l'Asrar, le shirk el-Asrar dans la croyance. Non. Et donc là, comme on l'a dit avant, le shir, il explique le sens de la ilaha illallah en citant quelque chose qui va la contredire, c'est-à-dire en citant une sorte de shirk. Donc ça rentre dans le chapitre du fait d'expliquer une chose par ce qui la contredit. Soit ce qui la contredit complètement, comme le shirk al-akbar, soit ce qui va la contredire de manière partielle, comme ici, une sorte de shirk asghar. Jade. Il y en a qui disent, que le fait de prendre un sabab et de s'appuyer sans s'appuyer sur ou la législation ou l'expérimentation, comme on l'a dit avant, c'est le fait en réalité de mentir sur. Mentir sur la législation, sur le char, puisqu'Allah Jalla nullement ni dans le Coran ni dans la Sunna, il a désigné telle ou telle chose comme remède, comme médicament. Et l'expérimentation, donc ça c'est lié à le qada ou le qadar ou le sabab ou le musabbabat. Il n'y a rien qui prouve dans l'expérimentation que tel ou tel médicament il guérit telle ou telle chose. Donc on peut pas, on ne sait pas parler. Et ça, les ulama, ils disent que ça contredit, c'est une croyance qui contredit en partie le qadar. Contredit le qadar. Allah Jalla wa Ala, il ne crée pas de manière habituelle comme conséquence à la prise de ce médicament-là, donc de ce sebeb-là, il ne crée pas la guérison. De manière habituelle, de manière expérimentale, comment on dit ça, par l'expérience. On peut pas voir ça. Donc le fait de prendre ça comme sabab, ça contredit déjà la charia et ça contredit aussi le qadar. À la coulée.